Yeah. Don't ask me. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Yeah. Le fiche que je l'astique, cette prison de rimes perdue entre les lignes des métaphores et synonymes. Et ça fait me fiche qu'on trinque et ça pour rien qu'on se tise à ta santé. Qu'on se le dise, elle mange les rimes petites ou bien dosées. J'avoue tu m'aides chaque jour, chaque pensée m'illumine. J'avoue je t'aime posé, quand moi-même j'hallucine. Devant ta force, enfonce les portes pour faire en sorte en fait. Comme si t'es fort, tu la crois morte et elle te tranche la tête. Appelle ça un comeback, car elle revient de loin. Entre les tacles, entre les pannes, la peur de mettre un point. Appelle ça de l'arnaque, ton discours ne vaut rien. Entre la rage, entre le trash, le vide derrière le poing. Ta plume te tire la gueule, mais tu t'accroches à tes bifs. T'assumes même plus des merdes, mais tu t'accroches à tes bifs. Comme bac d'un art, si là où tourne, c'est bien notre heure. On a la foi comme arme, la paix en poupe, c'est ça qui te fait peur. Yeah. Les frères s'embrouillent pas sur la terre mais dans leur tête, car ils s'entêtent à voir des couilles de la magouille qui jamais ne s'enterre, qui jamais ne s'arrête. Tu n'es pas prêt à ce qu'on alterne confiance ainsi qu'amour à climat délétère. Je crois dans le retour d'altère et d'intellect. Alterne et indirect, y'a intérêt que ça intéresse. Rebelle n'est pas détresse, arrête de nous viser. Être rebelle c'est refuser que le monde soit figé. On n'est pas expressif, mais on est affectif. Ton côté répressif, ça me rend dépressif. Ce n'est pas excessif, trop d'antidépresseurs. La flèche de Cupidon a peur et loin d'être accessible. Mais change un peu de cible, j'avoue je pète un câble. Mon rap n'est pas le diable qui vient pour mystifier la Bible. Je tente un coup habile, comme Bach qui se profile. J'affile les mots entre eux pour que tes mots tu les rhabilles.